Chapitre 323. L'interdiction d'insulter le vent et ce que l'on dit lorsqu'il souffle avec violence. 1727. Selon Abul Mundhir Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « N'insultez pas le vent, mais lorsqu'il vous effraie, dites « Ô Allah, nous te demandons les bienfaits de ce vent, les bienfaits qu'il contient et les bienfaits pour lesquels il a été envoyé. » Et nous cherchons refuge auprès de toi contre les méfaits de ce vent, les méfaits qu'il contient et les méfaits pour lesquels il a été envoyé. Allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi rih wa khayri ma fiha wa khayri ma umirat bi wa na'udhu bika min sharri hadhihi rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bi. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 1728. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire « Le vent provient du souffle, du rauh, d'Allah. Il porte parfois sa miséricorde et d'autres fois son châtiment. Aussi lorsqu'il souffle, ne l'insultez pas. Mais demandez plutôt à Allah de vous accorder ses bienfaits et de vous protéger contre ses méfaits. » Abu Daoud avec une bonne chaîne, Isnad. Le souffle d'Allah signifie ici sa miséricorde en faveur de ses adorateurs. 1729. D'après Aïcha radiyallahu anha, lorsque le vent se déchaînait, le prophète alayhi salatu wassalam disait « Ô Allah, je te demande les bienfaits de ce vent, les bienfaits qu'il contient et les bienfaits pour lesquels il a été envoyé. Et je cherche refuge auprès de toi contre ses méfaits, les méfaits qu'il contient et les méfaits pour lesquels il a été envoyé. » Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bi. Muslim.